Je reprends mon récit où je l'avais laissé. Pardonnez, ma mère, ces longues réflexions qui se trouvent naturellement sous ma plume et dont je ne pourrais pas me corriger. J'en suis si persuadé que j'ose vous en promettre bien d'autres. Dès mon arrivée à Lisieux, je quittais les cours assidus que me faisait ma chère Marie pour entrer dans un pensionnat. Ce fut à l'abbaye et je fus bien content de me trouver en contact avec des religieuses. On me trouva très avancée pour mon âge et je fus placée dans une classe de grandes élèves. Malgré ces disproportions d'âge, je me tins presque toujours dans les premières places. Ce n'était pas sans effort que je réussissais ainsi et surtout pas sans sacrifice. En arrivant chaque soir au Buissonnet, je me faisais une fête de me retrouver en famille. Hélas, il me fallait quitter la douce réunion du soir, la veillée autour de la table ou groupée sous la lampe aux gais reflets, tout se laisser aller au joyeux divertissement. La quitter pour monter seule dans ma chambre à prendre des leçons à la lueur vacillante d'une triste chandelle. Les pleurs, les cris que je jetais presque chaque fois en gravissant l'escalier témoignent de mon désespoir toujours inconsolable, parce qu'il était toujours renouvelé. Oh combien de fois je maudis les pensions et les études, enviant de tout mon cœur la science simple des bergerettes. Je ne rêvais que les occasions qui auraient pu me dispenser du pensionnat. Chaque matin en allant à l'abbaye, je regardais si la rivière était gonflée, espérant toujours quelque inondation. J'épiais s'il n'allait pas survenir quelque épidémie qui fit dispenser les pensionnaires ou bien si quelque chien enragé ne mettrait pas l'épouvante dans la ville. On vint en effet plusieurs fois nous chercher de bonne heure pour nous soustraire à ce danger, mais cette halte ne durait pas et le lendemain matin il fallait retourner en classe, car le fameux chien avait toujours été tué. Vous voyez, ma mère, combien était grande ma faveur pour le pensionnat, je ne dis pas pour l'étude, car j'aurais beaucoup aimé étudier, mais en ne quittant pas le sein de la famille. Toutefois par rapport aux études je ne puis m'empêcher de trouver qu'on fait apprendre aux enfants beaucoup, mais beaucoup de choses inutiles, on les prive trop jeunes de la liberté et de la douce influence de la famille, quand plus tard, avec la raison et des lectures instructives, on pourrait arriver au même résultat qu'en apprenant des leçons dont on ne se souvient jamais. Je dis cela parce que pour ma part, j'ai plus appris seul en m'appliquant à des sciences spéciales qu'au pensionnat où j'ai passé plus de 8 ans. Je sais bien que tous les exercices de ces années ont, pour ainsi dire, préparé le terrain à recevoir une semence qui devait produire sans labeur, mais, oui, il y a un mais, c'est quand dans l'intime de son âme, on ne pense pas avec le sage que, tout ici-bas, est vanité et affliction d'esprit, proverbe, quand on se livre à l'instruction par le désir immodéré de savoir et de passer pour habile, inter mirifica, Vatican II, et non par devoir. Car, pour celui qui réfléchit, est-on certain d'apprendre toujours la vérité? L'histoire varie selon l'esprit et les convictions des historiens, la littérature est soumise au goût d'une époque, la science et les calculs des savants sont exposés à s'effondrer devant de nouvelles découvertes. Au ciel seulement nous serons initiés à la réalité de toutes choses. Aussi, pour que présentement, l'étude soit louable et grande, il faut qu'à la base de toute science, on mette le bon Dieu. Mais qui aujourd'hui cherche à apprendre Dieu? Les livres qui l'enseignent, la prière et le sacrifice sont trop difficiles à lire ou bien ils coûtent trop cher. Ma mère, je me trompais tout à l'heure en vous disant que l'influence morale de la famille est supérieure à celle du pensionnat, car je jugeais d'après ma famille à moi, mais à présent, qu'à part de rares exceptions, le famille est déchristianisé. Mieux vaut des boucs ou le séjour de l'enfant auprès de maître Pieux que le séjour au foyer paternel. Pour moi, comme je l'ai dit, le temps du pensionnat fut un temps d'épreuve, mon cœur ne se dilatait pas, j'étais mal à l'aise et cependant nos maîtresses étaient très bonnes et je jouissais de leur estime, étant classée parmi les meilleurs élèves, studieuses et sages. Ne connaissant pas le Carmel et voulant être religieuse, je voyais même dans l'avenir, ma place marquée au milieu d'elle sans toutefois en sentir l'attrait. Mais j'étais grandement édifié par une humble sœur converse, nommée sœur Germaine, que je voyais toujours douce, affable, même au milieu des plus grandes contrariétés et son exemple, en me donnant une haute idée de la perfection qu'on pouvait acquérir dans ce couvent, faisait disparaître ou plutôt atténuait la répugnance naturelle que j'éprouvais à la pensée d'y demeurer plus tard. En faisant ce retour sur le passé, je m'étonne qu'une enfant aussi jeune que je l'étais alors, ait pu discerner et porter un jugement sur une chose aussi subtile qu'une vertu simple et cachée. Car il est plus facile d'être trompé par de bruyantes apparences et plus naturel de n'estimer que les actions déclarent. Et j'en conclus que la conscience des petits est une balance juste et leurs yeux très clairvoyants. Aussi avec quel soin ne doit-on pas respecter cette toile d'attente destinée à recevoir les empreintes qu'on voudra bien lui donner. À propos de cette clairvoyance, de ce tact de l'âme innocente, il me revient un trait à la pensée. Étant beaucoup plus jeune encore, puisque ce souvenir remonte à mon âge de 6 ans, je me rappelle qu'un dimanche d'été, à l'issue d'une promenade où Thérèse n'avait pu m'accompagner tant elle était petite, je lui rapportais joyeusement mon petit panier tout plein de fleurs. Ses yeux brillaient de plaisir, elle ne se lassait pas de prendre, de regarder, de compter ses trésors. Tout à coup notre grand-mère survint et prit une partie de la cueillette. Le cœur de Thérèse était bien gros, je voyais ses yeux qui se remplissaient de larmes, mais moi seul m'en aperçus, car ayant été sollicité d'abandonner toute la gerbelle, cela laissa prendre sans maudire. J'étais si stupéfaite de voir cette possession de soi-même et cette vertu que, sans en définir toute la valeur, car j'étais trop petite moi aussi, je gardais néanmoins de ce fait un souvenir d'une netteté et d'une précision qui prouvent combien mon âme d'enfant avait été profondément impressionnée. Cet acte fut réellement vertu chez Thérèse, elle me l'avoua plus tard et je le retrouvai consigné dans son manuscrit. Je ne m'étais donc pas trompée. Non, l'œil de l'enfant ne se trompe pas, le sentiment du beau, du vrai, de la justice est encore tout frais et tout neuf dans son cœur. Dieu vient de l'y déposer, l'admirable instrument s'apprête à chanter de sublimes mélodies, car il n'a pas encore été poussé par la main maladroite des créatures. Ah, si les parents comprenaient leur sublime mission, quelle race céleste nous verrions s'élever, race plus divine qu'humaine, car notre âme, souffle de Dieu, étant la plus noble partie de nous-mêmes, dominerait l'autre comme dans nos sociétés le noble domine l'esclave. Et je comprends les anathèmes que lance notre Seigneur contre ceux qui scandalisent un seul de ses petits, parce que sans le mauvais exemple, comme le dit Thérèse, beaucoup d'âmes arriveraient à une haute perfection. Mais je reviens à l'abbaye où si utile leçon m'a été donnée, ou plutôt je la quitte pour me retrouver au Buissonnet les jours de congé. Là, Thérèse et Céline sont heureuses de se revoir, les jeux, les lectures, tout se fait en commun. On aime beaucoup à lire des histoires, même des contes de fées, parce que ces contes bien choisis par une main maternelle sont pleins de morale. Ce ne sont, il est vrai, que des fictions, mais on y voit clairement dessiner l'action des bons et des mauvais génies, la vertu est exaltée, le vice y est puni et les jeunes imaginations, en concevant pour ainsi dire le surnaturel, sont amenées à l'aimer en se détachant du terre à terre. Je parle ainsi d'après notre propre expérience, car il en fut ainsi pour nous. Sans nul doute ces salutaires impressions, nous les devons encore à nos grandes sœurs qui s'appliquaient sans cesse à nous faire trouver Dieu en toutes choses. La piété n'était point rembrunie au Buissonnet, il y avait des fêtes. Chaque année à la distribution des prix de Thérèse un spectacle était donné, toute une après-midi de plaisir nos petites cousines, les cousines de nos cousines et nous, étions appelés à jouer un rôle devant la réunion de nos amis. Le hangar était paré pour la circonstance, une scène y était ménagée et des places pour les spectateurs. Il est inutile de dire que seules les petites filles étaient admises à discourir ensemble. Mais hélas, la pièce enfantine était, comme les contes de fées dont je parlais à l'instant, une pièce morale où il entrait de bons et de mauvais sujets. Le vice était appelé à faire ressortir la vertu et, c'était toujours moi qui avais ce rôle défectueux. Cela se comprenait, on ne pouvait pas donner cette fonction à une invitée. Thérèse était trop gentille, puis elle était la reine de la fête, alors c'était moi, toujours moi. Il en résulta que plusieurs personnes en gardèrent réellement une impression fâcheuse sur mon compte. On me lançait gentiment de petites pointes. Pendant ce temps-là, les autres étaient loués et moi j'avais le cœur bien gros. Aussi je conservais une horreur instinctive pour ces sortes d'amusements. Oui, je souffris beaucoup de cette petite chose-là qui, en se renouvelant chaque année, renouvelait aussi mon sacrifice. Si j'avais été plus humble, j'aurais compris que cette opinion défavorable qu'on avait de moi tenait beaucoup plus à mon genre de caractère, toujours sur la défensive comme je l'ai dépeint plus haut, qu'au rôle que je jouais. En effet, à cause de ce caractère qui paraissait bien trempé, on n'était pas habitué à me plaindre. Étant jugé avoir bec et ongles pour me défendre, il semblait qu'on pouvait me taquiner à l'envi. Je devais pouvoir tout supporter. Oh, ma mère et moi qui étaient la faiblesse même qui aurait eu tant besoin d'être consolée, encouragée, je fus privée de ces doux réconforts grâce à mes apparences trompeuses. Faut-il le dire encore aujourd'hui, il en est de même. Cette souffrance fut une des plus sensibles de ma vie parce qu'elle m'accompagna sans relâche, alors que juste en désirait qu'on ait pitié de moi. Thérèse, qui me connaissait à fond, avait si bien saisi cette nuance que, voulant caractériser notre union, elle m'appelait pour l'extérieur son petit Valérien. Elle était ma petite Cécile que j'aurais défendue au péril de ma vie. Mais pour l'intérieur, pour l'âme, nous changions aussitôt de rôle et je devenais la petite fille faible et timide, elle mon petit guide et protecteur. Je pense que cette épreuve d'une grande faiblesse travestie sous une apparence de force est une vue spéciale de la divine providence sur moi. Et dès mon bas âge, ayant offert au bon Dieu les sacrifices qu'elle m'occasionnait, j'espère qu'elle m'a été méritoire. Avec ma nature sensible, j'ai en effet beaucoup à donner à Jésus, car de même qu'un bois épineux accroche tout sur son passage, ainsi mes défauts entraînaient après eux bien des croix. Cependant, j'arrivais à l'époque de ma première communion. J'y fus préparée longtemps à l'avance par mes sœurs chéries, mais ce fut surtout les trois derniers mois qui précédèrent cette grande action, que je fus l'objet d'une particulière sollicitude. Nos mamans, Marie et Pauline, avaient chacune leur attribution spéciale. Marie était la maman, en titre, et Pauline la maman, spirituelle. Ce fut donc Pauline qui me prépara à ma première communion. Tous les soirs, en revenant de l'abbaye, j'allais prendre place sur ses genoux. Thérèse fut un peu détrônée alors, mais elle ne s'en plaignit pas, elle était heureuse et fière de penser que sa sœur à elle, sa Céline, allait faire sa première communion. Elle venait écouter les douces conférences que me faisait Pauline et se préparait à mon grand jour comme s'il eût été le sien. Oh, que j'étais bien prête quand s'ouvrit la retraite qui devait nous introduire au divin banquet. Je m'étais faite à l'idée de la pureté du cœur que je ne voulais souffrir rien qui pût la ternir. Pendant ces quelques jours de retraite, je fus tout à fait pensionnaire et ne retournai plus le soir au Buissonnet. Cela me coûta beaucoup, je ne pouvais m'habituer à vivre loin de mes parents et surtout les nuits me paraissaient si tristes sans ma Thérèse, qu'involontairement j'avais des cauchemars et me réveillais en sanglotant. Hélas, je n'étais pas seule à me réveiller, car en l'une de ces circonstances je vis auprès de moi la première maîtresse qui venait sécher mes larmes avec une bonté toute maternelle. Elle me recommanda d'être bien sage, se félicitant toutefois de ne me posséder que momentanément. Thérèse venait me voir tous les jours avec papa. Une fois, elle tenait à la main un petit bouquet de cerises qu'elle me donna avec une telle expression d'indéfinissable tendresse qu'un trait délicieux me transperça jusqu'au fond du cœur. Il y a 29 ans de cela, et lorsqu'à chaque printemps apparaissent les nouvelles cerises, je ne manque jamais, presque instinctivement, d'en faire un bouquet dont la vue fait jaillir en mon cœur un flot de souvenirs. Ma petite Thérèse était, en effet, si pénétrée de la grande action que j'allais accomplir qu'elle me considérait avec un saint respect, c'est à peine si elle osait me toucher et me parler tant son esprit de foi était ardent. Enfin le beau jour entre les jours se leva aussi pour moi. La description qu'en fait Thérèse du sien est tellement l'écho de mes propres sentiments que pour être vrai il me faudrait la copier. Encore aujourd'hui la vue des flocons neigeux me fait tressaillir, le chant du cantique matinal et au saint autel qu'environnent les anges fait encore vibrer mon cœur. En un mot, tout ce qui me rappelle cet heureux jour est embaumé de senteurs uniques dont le temps ne pourra jamais amoindrir la suavité. Je me souviens que j'avais à réciter l'acte d'humilité et que j'en étais bien heureuse. Avec quel cœur et quelle conviction je dis bien « Oh, qui suis-je, oh mon Dieu, pour que vous daigniez jeter les yeux sur moi ?» D'où me vient cet excès de bonheur que mon Seigneur et mon Dieu veuillent venir à moi, moi plus misérable que le néant. Oui, ce fut avec une ineffable joie que je reçus mon bien-aimé, je l'attendais depuis longtemps. À que de choses j'avais à lui dire. Je lui demandais d'avoir pitié de moi, de me protéger toujours et de ne jamais permettre que je l'offense, puis je lui donnai mon cœur sans retour et lui promis d'être tout à lui. Je sentis bien qu'il daignait m'accepter pour sa petite épouse et qu'il remplira envers moi l'office de défenseur que je lui avais confié, je sentis qu'il me prenait sous sa garde et me préserverait à jamais de tout mal. Après cet échange de mutuelles promesses, tout était dit, et cependant, le cœur de la petite Céline était encore si plein, que ne pouvant contenir les effluves de paix et de joie céleste qui l'inondaient, sa prière s'acheva dans un flot de larmes. Le soir, ce fut moi qui récitai l'acte de consécration à la Sainte Vierge. Oh combien j'étais heureuse de prendre la parole, en présence de tout le monde, pour me donner irrévocablement à ma mère du ciel que j'aimais avec une tendresse incomparable. Il me sembla qu'acceptant pour sienne la petite orpheline qui était à ses pieds, elle l'adopta pour son enfant. Ce jour fut véritablement celui de mes fiançailles. À partir de cette époque bénie, je me corrigeai de certains défauts dont je n'avais pu jusque-là avoir raison. Est-ce étonnant qu'il en fût ainsi? Comment le sang de Jésus coulant dans mes veines, sa chair se mêlant à ma chair, tout mon être n'aurait pas été transformé. Le feu de l'amour divin, en pénétrant en moi, me purifia de toutes mes souillures et cette purification une fois accomplie, ne trouvant plus d'obstacle à son action consumante, il pénétra et embrasa son pauvre petit Ison par une incandescence totale qui le rendit en quelque sorte invulnérable à l'action du feu d'enfer dans lequel le démon projetait de le jeter. Pour ce temps après ma première communion qui avait eu lieu le 13 mai 1880, je reçus le sacrement de confirmation, c'était le 4 juin de la même année. Ce jour se trouvant être le vendredi du Sacré-Cœur, je me réjouis de cette coïncidence. Il me semblait que le cœur de Jésus lui-même viendrait se substituer à mon cœur en me conférant son propre esprit. J'étais vivement ému par cette pensée qu'on ne recevait ce sacrement qu'une seule fois dans la vie et qu'il allait me rendre parfaite chrétienne. C'est pourquoi je m'y préparais avec piété demandant au bon Dieu qu'il opère en moi tous ses effets cependant. J'étais loin de la parfaite connaissance qu'en eut ma petite Thérèse quelques années plus tard. J'anticipe ici les événements pour rapporter de suite les circonstances de l'extraordinaire préparation de ma Thérèse à sa confirmation. Ce fut Pauline qui fut ma marraine en cette circonstance, mais elle ne put me mettre sous le patronage de Saint Joseph, comme je le désirais, Monsieur l'aumônier exigeant qu'on prenne le nom de Marie, même si on le portait déjà. Les quelques jours qui précédèrent pour elle la réception de ce sacrement, je fus singulièrement frappé de l'attitude de ma petite sœur. Elle, si douce et si réservée de contenance paraissait comore d'elle-même. Elle ne pouvait contenir ses transports et, l'un des jours de sa retraite préparatoire, comme je lui en exprimais ma surprise, elle me fit une telle description de la venue de l'esprit d'amour dans nos âmes, des fruits de ce sacrement de force, que je restais dans l'admiration. Je la vois encore, elle était debout auprès d'une table dans la grande classe, Nous étions seuls, ses yeux brillaient d'un éclat inconnu qui me fit baisser les miens, sa parole était de feu. Elle me dit entre autres choses, avec une véhémence extraordinaire, qu'on ne se préparait pas assez à la réception de ce sacrement exceptionnel qui ne se reçoit qu'une seule fois et que c'était bien regrettable. Je ne pense pas que les apôtres attendant la manifestation du Saint-Esprit, au jour de la première Pentecôte aient eu plus de ferveur que cette petite enfant, véritablement remplie par avance de l'esprit d'amour. Ce spectacle fit sur moi une si vive impression que je regrettais amèrement que l'occasion fût passée pour moi de recevoir l'Esprit Saint et je demandais au bon Dieu de suppléer à l'insuffisance des dispositions que, par ignorance, j'avais apportées à ce grand acte, le suppliant de me faire recevoir le Saint-Esprit dans la même mesure que Thérèse et en même temps qu'elle. J'ai toujours pensé que le Seigneur exaucant ce désir avait eu pitié de moi en accueillant favorablement la pauvre retardataire. Quant à la première communion, je crois que je n'ai eu rien à envier à ma Thérèse chérie. Elle s'y prépara comme moi 3 mois à l'avance en faisant chaque jour beaucoup de petits sacrifices qui prenaient le nom d'une fleur spéciale dont le nombre était soigneusement inscrit sur un joli petit carnet fait par Pauline. À l'égard des grâces reçues ce jour-là, je crois, ma mère bien-aimée, pouvoir sans présomption redire ce couplet du beau cantique que vous m'avez composé. Le monde distinguait et Céline et Thérèse, mais le bon Dieu se penchant ne voyait qu'une seule fournaise, un même feu. Oui, ce jour fut pour moi sans nuage et ne me laisse aucun regret, car il était pour moi l'aurore d'une vie d'union plus intime avec le bien-aimé de mon cœur. Le feu venait d'être allumé et je ne demandais qu'à l'entretenir. Comme Thérèse, je ne vivais que dans l'espoir d'une communion nouvelle et comme elle, je trouvais les fêtes bien éloignées, assez que dans ce temps-là, les fidèles n'étaient pas favorisés comme ils le sont maintenant par rapport à la fréquence des communions et ce fut matière à de bien gros sacrifices. Avec de telles dispositions, il est inutile de me demander si je manquais par ma faute l'occasion de communier. Il serait plus nécessaire de m'absoudre de mes vols. Oui, ma mère, j'ai volé dans ma vie, et le plus grand trésor qui existe, j'ai volé le bon Dieu. Mais j'étais grande quand j'osais faire ces coups-là, j'avais 18 ans et j'étais sous la direction du bon père Pichon qui me donnait un certain nombre de communions par semaine, plus une quand il se trouvait une fête. Bien entendu, il y avait fête toutes les semaines. Je regardais le calendrier et choisissant un saint qui me plaisait un peu mieux que les autres, je considérais le jour qui lui était consacré comme une fête et je recevais mon Jésus. Puis quand nous allions à la campagne l'été, il arrivait quelquefois qu'il était absolument impossible de nous conduire à l'église, alors je marquais ces communions perdues pour les reprendre plus tard et je faisais volontairement un tel mic. Mais que je finissais par m'y perdre et finalement m'attribuais presque de bonne foi un nombre bien plus élevé de communions que celui qui m'était dû. Je confessais ensuite mes vols à mon directeur qui ne me disait rien, ce qui m'encourageait beaucoup, et comme il voulait sans doute me donner le mérite de l'obéissance, il augmentait le nombre de mes communions et moi je continuais mon système jusqu'à ce qu'enfin ayant obtenu la communion quotidienne il ne m'a fût plus possible de rien voler. Que Dieu me le pardonne, mais j'ai bien des fois exercé la patience de ma tante si douce et si bonne. Étant d'un caractère diamétralement opposé au mien, elle ne comprenait pas, malgré sa grande piété, que je sorte ainsi tous les jours sans m'inquiéter du temps, de la saison ou des circonstances contraires, et elle m'en faisait la remarque. Mais moi je ne comprenais pas à mon tour qu'il pût exister un obstacle pour atteindre un tel but. Il me semble que j'aurais traversé un étang de feu. Comment pourrais-je me repentir de cette persistance à vouloir communier quand j'attribue ma préservation à la douce influence de ce sacrement ? Que serais-je devenu, si livré à mes propres forces, j'avais eu l'imprudence d'entreprendre seul le chemin que j'ai parcouru? Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude, je suis convaincu que je serais tombé aussi bas qu'on puisse tomber. Pour la vie ordinaire, lorsqu'on est exposé à la contagion, on n'attend pas pour se soustraire au danger qu'on ait attrapé la maladie. Ce serait une bien mauvaise méthode de ne s'entourer de précautions que lorsque le virus du mal est passé dans le sang. Aussi la simple prudence exige-t-elle des moyens préventifs. On va jusqu'à s'inoculer des sérums qui rendent en quelque sorte invulnérables. Oui, voilà jusqu'où vont nos soins intelligents pour empêcher notre pauvre corps de mourir. Et notre belle âme, ah quant à elle on ne s'en occupe pas, c'est une abandonnée, une délaissée, qu'elle se sauve comme elle pourra et cependant pour elle ce n'est plus d'une mort passagère dont elle est menacée si elle se corrompt, mais d'une mort éternelle. M'appliquant au spirituel ces belles découvertes de la science je me suis nourri de l'aliment des cieux, pour me servir de la comparaison que je viens d'employer, je me suis inoculé le sérum divin qui devait soustraire mon âme et mon corps aux influences délétères du monde. Je dis soustraire, mais il peut aussi guérir, car les propriétés de l'ineffable charistie sont multiples et conviennent à tous les besoins de nos âmes quels qu'ils soient. Ma mère, me voilà bien loin du pensionnat et cependant puisque je suis sur ce sujet permettez que je continue ma digression en rappelant un souvenir de mon enfance qui n'est pas tout à fait étranger à ma dévotion pour l'Eucharistie, puisqu'il s'agit des processions de la fête Dieu. Oh que j'étais heureuse quand, toute vêtue de blanc, je formais à nos à la longue chaîne souple et gracieuse qui servait d'avant-garde au roi des rois. Je ne puis dire tout ce qui se passait dans mon cœur. Dans ce temps-là c'était rare de voir quelqu'un qui ne se découvrit point devant le Saint-Sacrement et cependant s'il m'arrivait d'apercevoir cette exception mon cœur grossissait et j'avais bien du mal à retenir mes larmes. J'aurais voulu que la nature insensible s'unît pour rendre hommage à son Créateur, les maisons pavoisées répondaient à mon désir. Mais j'étais triste en considérant que les grands arbres des avenues, par lesquels nous passions, ne s'inclinaient pas devant le Dieu de la nature. Alors je proteste intérieurement j'adorais mon Jésus et je l'aimais me faisant le porte-voix de toutes les créatures. Quelle sublime dignité est donc la nôtre de pouvoir être classée parmi les créatures capables de connaître et d'aimer Dieu. Être capable de concevoir ou de contenir quelque chose c'est pour ainsi dire être l'égal de cette chose, car il n'y a que les êtres de même nature qui puissent se comprendre entre eux. Et moi je suis capable de connaître et d'aimer Dieu alors c'est que, par participation, je suis un Dieu moi-même. Oh que les vérités éternelles sont grandes que les mystères divins sont ineffables puisqu'il élève l'âme de ce petit enfant qui loue et qui adore à la hauteur du sacerdoce en le faisant, comme le disent nos saints livres prêtres du Très-Haut. Apocalypse 1, 6, le souvenir de ces belles processions du Saint-Sacrement fut donc pour moi inoubliable en raison des impressions profondes que j'y avais ressenties. La pompe extérieure déployée dans ces solennités n'y avait point été étrangère, ma fierté était grande de voir les militaires faire cortège à leur véritable roi, la musique des régiments, le commandement de mettre bas les armes et genoux en terre quand ils bénissaient tout cela me ravissait à un degré que je ne saurais dire. Passage supprimé. Enfin, je reviens à ma vie de pensionnaire que j'espère achever cette fois. Il ne faut cependant pas se fier à moi, car ce n'est pas sans sujet qu'on m'a comparé à une biche sauvage qui n'est pas là où on la croit, tantôt au sommet d'un rocher, tantôt au fond d'un ravin. Elle ne voyage que par bond et fatigue beaucoup celui qui s'aventure à la suivre. Pardonnez-moi donc, ma mère, de vous faire parcourir un tel chemin et, comme disait Thérèse permettez-moi de ne pas le quitter car je ne saurais en suivre un autre. Un an environ après les fêtes inoubliables que j'ai décrites, Thérèse m'accompagna à l'abbaye. À partir de cette époque la vie du pensionnat me parut moins amère et je devins plus raisonnable. Chaque matin nous partions ensemble conduites par la bonne ou par papa. Ce trajet assez long et très agréable nous faisait commencer joyeusement notre journée. Il est vrai qu'une fois arrivés nous devions nous séparer pour aller chacune dans notre classe. Mais nous ne nous perdions pas de vue pour cela. De temps en temps, au moment libre, ma petite sœur venait me voir et nous ne nous séparions jamais sans nous embrasser avec tendresse. Aux récréations nous nous voyions aussi sans toutefois pouvoir rester ensemble, car nous jouions chacune avec des enfants de notre âge comme c'était l'usage. Thérèse ne pouvant pas beaucoup courir, à cause d'une oppression naturelle. Douloureux présage de sa courte existence, s'amusait à construire de petits cimetières pour les oiseaux qu'elle trouvait morts ou les grands arbres, ou bien elle racontait des histoires qu'elle improvisait. Je me souviens que, lui faisant mes petites visites ordinaires, je trouvais ses récits tellement attachants que je me mêlais parfois au groupe de ses auditrices. J'admirais qu'elle pût ainsi composer séances tenantes de des narrations intéressantes. Quant à moi, je n'eus jamais l'idée d'en faire autant, car cela m'aurait été parfaitement impossible d'inventer quoi que ce soit de ce genre. J'ai déjà de la peine à rédiger une chose que je connais à fond, comment aurais-je pu composer une trame et varier les détails en les greffant les uns sur les autres? Aussi ma petite sœur m'apparaissait comme un prodige. Ne pouvant la suivre dans ses voies littéraires, je m'adonnais au métier des armes. Comment ne pas choisir ce qui donne du succès? Dans ce champ-là, j'étais toujours victorieuse, et si mon pauvre esprit s'arrêtait tout net quand je voulais discourir, jamais mes jambes de grêle ne me laissèrent en plan quand je voulus courir. Le jeu de barre était mon préféré, j'y mettais tant d'entrain, y déployais tant de valeur que chacune voulait m'avoir dans son camp. Pour moi, lorsque le sort ne m'avait pas désigné pour être du côté des Français, je faisais en sorte de n'être pas bon soldat, ce jour-là, afin de laisser la victoire à mes adversaires, mais quand au contraire je représentais ma patrie, je mettais tant de feu dans la défense que les conquêtes étaient toujours là où j'étais. Toutefois, mes luttes ne furent pas toujours factices comme celles que je viens de dépeindre. Elles prirent de temps à autre une teinte locale qui leur donna un intérêt plus piquant. Si je défendais ma patrie en intention, je défendais ma petite sœur en action. Lorsqu'elle était attaquée, ou qu'on lui faisait de la peine, ou que souffrante, on ne la soulageait pas, je courais su. Il n'y avait alors pour moi ni distinction de juif ou de gentil, chacune recevait la réprimande qu'elle avait méritée. Pour cela, malgré ma nature batailleuse, je n'employais jamais ni coup de pied ni coup de poing. Je maniais seulement le glaive de l'esprit qui, dans ces occasions, n'était pas la parole de Dieu mais celle d'une petite fille pleine de malice. Si je défendais ma Thérèse, je défendais aussi les saints du paradis, bien qu'ils n'eussent nul besoin de mes services puisqu'ils sont en paix dans les cieux, là où nulle invective humaine ne peut les atteindre. Mais je n'étais pas avare de ma peine. Un jour qu'une maîtresse anglaise ayant osé dire, tout haut, dans la classe, que Jeanne d'Arc était une aventurière, je me levai d'un bond et, après avoir résolument protesté, j'allais trouver la maîtresse du pensionnat. Personne ne disait mot, tout le monde était stupéfait, mais moi je les laissais méditer tant qu'elles voulurent sur l'issue de ma démarche. Et étant arrivé au cabinet de la première maîtresse, je lui fis ma déposition. Me voyant un peu ému, elle se mit à rire, mais je ne l'entendais pas ainsi et lui dis, « Madame, si vous ne me promettez pas de faire une observation à la maîtresse et de réparer la faute qui vient d'être commise, je vous avertis que je raconte tout à papa devant cette attitude. » La bonne religieuse ne plaisantait plus et elle me promit ce que j'exigeais. Comme je l'ai dit, ces sorties ne me coûtaient pas, elles étaient dans mon tempérament, il ne faut donc pas me louer si parfois elles eurent de bons résultats. Ma manière d'être me valut cependant de mon père, le surnom de courageuse que je gardais jusqu'au moment où, ayant enfin mérité celui d'intrépide, ce dernier grade me demeura définitivement. Vous trouverez peut-être, ma mère, que j'aurais mieux fait de me cacher pour faire mon rapport, afin de ne froisser personne. Cependant, puisque je voulais une réparation à ce que je considérais comme un outrage à la vérité, il valait autant que j'en assume toute la responsabilité que de laisser tomber les soupçons sur d'autres élèves. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé me cacher, même pour jouer. Cela me donnait des émotions et des craintes, ainsi tout ce que j'ai fait je l'ai toujours accompli au grand jour. Je ne sache pas que cette conduite a jamais déplu à personne, je ne me suis jamais fait d'ennemis, car cette religieuse même dont j'ai parlé m'aima beaucoup dans la suite et je lui rendis l'appareil. Oui, J'étais véritablement chérie de mes maîtresses et je leur conservais toujours un profond attachement que, ni le temps, ni l'éloignement n'ont pu amoindrir. Mon cœur si aimant et si sensible aurait voulu se donner, je m'attachais donc spécialement à l'une de mes maîtresses. Je l'aimais comme on aime à cet âge, c'est-à-dire, non d'un amour vrai et désintéressé mais d'un amour plein d'illusions. Je me figurais que j'étais aimée à mon tour, que j'étais la préférée de celle que j'avais ainsi choisie. Pendant une maladie que fit cette religieuse, je me demandais sans cesse quels moyens j'emploierais pour lui faire savoir que je pensais à elle. C'était au début du printemps. Ayant trouvé à grand-peine quelques violettes, je plaçai au centre du bouquet un petit billet sur lequel étaient écrits ces mots « À ma mère chérie » cette expression chérie que nous ne donnions jamais à nos maîtresses. Les appelant toujours « Madame » était pour moi le dernier mot de la tendresse et il me semblait que l'heureuse privilégiée allait comprendre. Mais je ne reçus aucune réponse. Bien plus je n'entendis jamais parler de ce bouquet. Quand j'eus la certitude qu'il lui avait été remis, ce fut un débordement de larmes. Le soir, rentré au Buissonnet, je me jetai dans les bras de Marie, car Pauline n'était plus là, elle nous avait quittés pour entrer au Carmel. Ma chère Marie me pressa sur son cœur, elle m'expliqua ce qu'est le faux amour décréaturé, le Seigneur m'instruisant intérieurement par sa grâce, je me promis de ne plus m'attacher qu'à Jésus tout seul, qui seul pouvait me payer de retour. Thérèse fut tellement affectée de ma douleur que, sans avoir goûté à cette coupe empoisonnée de l'amour des créatures, elle résolut de profiter de mon expérience, ce qu'elle exécuta avec sa force d'âme habituelle. Jésus venait de retirer son tison du feu, il n'y avait pas été plongé longtemps, juste assez pour en sentir les ardeurs. Afin d'éviter aux autres cette lamentable méprise et de s'éviter à soi-même d'être la victime d'un tel piège tendu au pauvre cœur humain, Thérèse demanda à Jésus de ne jamais être aimée humainement par qui que ce soit, et elle fut exaucée. Je le constatai moi-même, tant dans ses rapports avec ses novices qu'avec d'autres personnes. Et, sachant qu'elle avait fait cette prière, j'en fus vivement frappé, car elle possédait tant de charme qu'il eût été très naturel qu'elle fût aimée naturellement. Profitant ensemble de la leçon qui nous avait été donnée, les joies de la famille ne nous en parurent que plus douces. Nous n'étions véritablement heureuses qu'au Buissonnet, nous n'avions de réel plaisir que dans cette solitude loin de tous les bruits de la terre. Là, nous nous amusions à des jeux qui ne divertissaient que nous deux. Les enfants de notre âge n'y trouvaient aucun bonheur et n'essayaient même pas d'en chercher, tandis que, de notre côté, nous n'étions point dans notre atmosphère au milieu d'elle. Nous étions gauche, sans entrain, ce qui nous attira quelquefois de petites humiliations. Il faut bien le dire, tout en faisant de notre mieux, nous n'étions pas pour les autres une compagnie agréable. Ainsi nous n'aimions pas jouer à la poupée ne sentant aucun instinct maternel pour ce morceau de carton inerte, pas plus que nous ne trouvions d'être à organiser ou prendre part à des danses. J'ai dit que nous avions quelquefois de petites humiliations, mais nous avions aussi de petites peines. Un jour on vint chercher la bande joyeuse, en disant « Venez, vos mamans vous attendent au salon ». Nous suivions, Thérèse et moi, lorsqu'une petite étourdie nous dit sans réflexion, « Ne venez pas, vous, vous n'avez plus de mère » mais si cette étoile ne brillait plus au foyer familial elle resplendissait dans les cieux. De là elle nous appelait, elle aussi, et c'était parce que nous gravitions autour d'elle que nous ne vivions, en quelque sorte, qu'à demi sur la terre. Nous aspirions donc à nous retrouver seuls au Buissonnet, là nous cultivions des fleurs, nous aimions aussi à soigner des oiseaux. Thérèse avait un aquarium, où elle élevait de petits poissons, mais c'était surtout la volière de colombes qui nous intéressait parce que, lorsque nous entrions dans leur cage, elle se posait sur nous et venait becqueter dans notre main. Nous avions aussi organisé des promenades. Après avoir mesuré le jardin, afin de calculer combien de fois nous devions en faire le tour pour accomplir une lieue, nous partions mais non pas sans avoir le bâton à la main. car il fallait nous soustraire aux poursuites d'une pie apprivoisée qui nous suivait sans relâche, poussant la tendresse, à notre égard, jusqu'à nous piquer les mollets avec son long bec. Si nous n'aimions pas à jouer à la grande poupée, j'amusais cependant beaucoup ma petite sœur, et je m'amusais moi-même en faisant la classe à tout un régiment de petites poupées, mais là n'entrait point de tendresse maternelle. C'était à la façon des enfants qui jouent avec des soldats de plomb. Thérèse ne se rassasiait pas de me voir et son plaisir augmentait le mien. À propos de jeu, il m'arriva une singulière histoire. Ce sera le dernier trait, car je suis déjà honteuse d'être entrée dans de si puérils détails. Et si vous ne m'aviez dit, ma mère, d'écrire tout ce qui me viendrait à l'esprit, je serais tentée de déchirer ces pages. Comme Thérèse le consigne dans son manuscrit, nous nous faisions mutuellement des petits cadeaux qui, malgré leur peu de valeur, nous comblaient de joie. Un jour, voulant lui faire une surprise, je me mis en frais et au lieu de dépenser les traditionnels 10 sous, je donnai 4 francs, c'était toute ma fortune, pour acheter un pistolet. Je me figurais que ma douce petite Thérèse allait partager les goûts belliqueux de sa Céline et longtemps à l'avance, je fis mousser ce cadeau extraordinaire. Elle s'en réjouissait, moi de mon côté j'attendais avec une grande impatience le jour de sa fête, mais hélas notre joie devait se changer en tristesse. Lorsque ma petite Thérèse chérie eut aperçu le cadeau si splendide, elle eut peur et se mit à pleurer. J'eus beau faire manœuvrer le fameux fusil, mon entrain ne fut point partagé. Alors je devins triste moi-même. Papa, voyant notre embarras, voulut bien aller changer l'objet au lieu où il avait été acheté. Le lendemain matin, il partit à la messe de 7 heures, comme à son habitude, muni de son arme précieusement enveloppée. Comme il entrait à l'église, un écolier se trouvait franchir les degrés en même temps que lui. Où vas-tu, mon petit ami, lui demanda mon père. À la messe, monsieur, pour me préparer à faire ma première communion. Eh bien voilà pour te récompenser, lui dit papa. Et l'enfant bondissant de joie, rouge de plaisir, reçut le pistolet. Nous fûmes bien consolés à cette nouvelle. Thérèse se réjouit alors de son extraordinaire cadeau. Puis, notre cher petit père, ayant mis le comble à ses bienfaits et restitué l'argent, la joie fut complète. Je ne vous parlerai pas, ma mère, des veillées d'hiver, des dimanches passés en famille et de tous ces souvenirs si doux que Thérèse a si bien dépeints, car mes sentiments étant les mêmes que les siens, en connaissant les uns vous n'ignorez pas les autres. Comme elle l'a dit aussi, notre père bien-aimé nous emmenait quelquefois à la pêche. Je me souviens qu'un jour, après nous avoir organisé 2 petites lignes dont l'hameçon était une épingle, il nous invita à pêcher avec lui. Après un moment, voyant que nous avions pris notre pêche au sérieux, sachant que nous n'allions rien prendre avec un pareil outillage, il nous dit, « Enfant, laissez-les vos lignes, si ça mord je vais vous appeler. » Nous partîmes aussitôt cueillir des fleurs. Quelque temps après nous revint, mais, quelle ne fut pas notre surprise, en voyant nos lignes couler à fond. Les saisir fut l'affaire d'un instant et la campagne retentit de nos cris de joie pendant que nous élevions dans les airs notre capture. Pour moi, je devine bien que c'était papa qui, pendant notre absence, avait mis le poisson au bout de la ligne et ce petit trait de mon enfance me devint une instruction. Bien des fois depuis, je fis le rapprochement entre la conduite du bon Dieu envers nous et celle de papa en cette circonstance. À toute ma vie j'ai été ce petit enfant qui pêche les amours, la vertu avec des mauvais outils. Je ne suis bonne à rien et si je n'attends que ce que je puis gagner par moi-même, je risque de ne rien attraper. Vous en savez quelque chose, ma mère, vous qui désirez me voir arriver à cette pleine possession de moi-même qui rend le premier mouvement irréprochable. Et moi aussi je le souhaite vivement, ma ligne est toujours tendue en cet endroit. Je ne prends rien, il est vrai, car mes progrès ne sont pas appréciables, mais Jésus voit ma bonne volonté, je l'espère, au dernier jour de ma vie. En un instant rapide il fera fructifier mes progrès et moi, levant ma petite ligne, je serai riche de biens que lui-même m'aura donné. Ô ma mère, que le bon Dieu est bon à ceux qu'il aime, qu'il est délicat, car, de même que papa nous laissa croire que nous avions nos mêmes péchés le mystérieux poisson, ainsi Jésus se plaira à nous laisser toute la gloire des conquêtes que lui seul aura faites. Jusqu'ici il a toujours agi de la sorte envers moi. En vain je me suis montré enfant terrible achetant des pistolets, c'est-à-dire me livrant parfois à des spéculations inutiles, accueillant favorablement quelques illusions, m'écartant en un mot de la voie que m'a tracée la divine providence, et Jésus prenant l'objet avec bonté me disait, « Il n'est pas fait pour toi, ma Céline, tu fais erreur en voulant te servir de cela, donne. » Le moi et je l'échangerai pour des biens de beaucoup préférables, et moi me livrant à son bon plaisir recevais le centuple en échange, ayant encore la joie de voir mes bêtises devenir, entre ses mains divines, un bienfait pour d'autres âmes. Si notre vie au buissonnet s'écoulait jusqu'ici calme et douce dans la bienfaisante chaleur de la plus délicieuse union, nous allions hélas connaître de nouveau l'épreuve. 5 ans déjà s'étaient passés depuis la mort de notre mère chérie, les oiseaux avaient grandi, les aînés étaient prêts à s'envoler laissant le nid plongé dans la plus grande désolation. Mais avant de vous parler, ma mère, de la première séparation qui vint briser nos cœurs, je vais vous dire un mot de l'éducation toute virile que nous donnâmes aux sœurs chéries. D'après la description que j'ai faite de mon caractère, vous pourriez peut-être croire que, moi du moins, je n'étais pas réservée, et cependant nous étions si timides toutes les deux que Marie dut nous gronder, et bien des fois pour faire passer ce défaut, un jour, en particulier, nous ayant dit que la timidité était de l'orgueil, parce que je n'étais point autre chose qu'une crainte outrée de mal faire et par suite d'être critiquée. Je pris la ferme résolution de me corriger et d'agir toujours avec liberté sans m'occuper de ce qu'on pourrait penser de moi, car j'avais une telle crainte de l'orgueil que j'aurais tout fait pour m'en éloigner. Cette admonition influa beaucoup sur ma vie et je m'en souvins toujours. Nos sœurs aînées s'appliquaient aussi avec un grand soin à nous faire pratiquer la mortification, dès l'âge le plus tendre. Par exemple, lorsque nous étions toutes petites, le déjeuner du matin était du chocolat, mais aussitôt que nous commencions à grandir, une humble soupe le remplaçait. À l'exception toutefois du dimanche qui, étant le jour du Seigneur, restait un jour de fête sur toute la ligne. En semaine je partais donc à l'abbaye après avoir mangé une soupe que Victoire ne savait jamais varier, une soupe à l'oignon. C'était pour moi tout ce qu'on pouvait imaginer de plus mauvais. Quelquefois cette soupe, prise de mauvaise grâce, il faut bien l'avouer, me tournait le cœur, alors on me donnait pour me consoler un morceau de chocolat et je me mettais en chemin comme si j'avais été très vaillante. À part ces rares indispositions, je ne fus jamais malade et dans mes 8 années d'études je ne manquais pas 3 jours pour cause de santé. À propos de ce morceau de chocolat, voici une histoire amusante. Chaque matin à 10 heures il y avait moment de repos dans les classes et l'on passait du vin, des biscuits, des confitures, en un mot ce que chaque pensionnaire fournissait elle-même. Autrement chacune n'avait droit qu'à du pain seconde. Comme nous n'étions pas gâtés, nous n'apportions pas de ces douceurs et nous contentions de pain seconde quand nous avions faim. Il faut bien le dire, j'avais parfois un peu honte, il n'y avait cependant pas de quoi, mais quand on est enfant on se laisse facilement impressionner par ces petites choses. Un jour que j'avais reçu pour prix de ma soupe à l'oignon un précieux morceau de chocolat, je dis à Thérèse de venir me trouver à l'heure où l'on passait le plateau, parce que nous allions partager notre butin. J'avais eu soin de mettre le morceau presque en miettes pour qu'il fît beaucoup d'effet. Cependant, comme la portion paraissait encore maigre, comparée à celle des autres pensionnaires, j'étais bien embarrassée. Ma petite sœur arriva au rendez-vous, et lui remettant sa part, je dis avec indifférence, « Tiens, Thérèse prend les miettes. » Thérèse prit en effet les miettes qu'elle savait être non pas du tout les miettes mais la presque totalité du morceau. Quand nous nous trouvâmes seuls, nous prîmes une partie de rire bien conditionnée. Mais cela ne devait pas être perdu, ce « tiens, Thérèse, prend les miettes nous suivit jusqu'au Carmel où il nous fit encore rire aux larmes. Si on nous voulait mortifier du côté de la nourriture, on nous y habituait de même par rapport à la vanité. Mes sœurs aînées ayant été élevées à la visitation, avec du grand monde, ne faisaient point attention à des mesquineries. Elles avaient vu leurs compagnons aux heures sans faussons de vieux habits démodés et elles avaient pour principe qu'on ne doit pas être coquette au pensionnat. J'avais donc des souliers cloués, des robes et des manteaux qui n'étaient pas toujours de mon goût. Aussi je les déposais vite au vestiaire et les reprenais tardivement, juste au moment de partir. Ô ma mère, ce sont des sentiments bien bas que je vous avoue en mettant sous vos yeux ces deux traits où le respect m'en triomphe. Moi qui n'aurais voulu être asservi en rien, comment ai-je pu me faire l'esclave de l'appréciation de quelques pensionnaires qui m'ont oublié et dont je ne me souviens même pas du nom? Et cependant ce que je fis à cet âge, combien de grandes personnes dans la plénitude de leur raison et la conscience de leur indépendance, ne le font pas de nos jours en sacrifiant eux aussi à cette odieuse idole. Aujourd'hui, en jetant un regard sur le passé, j'admire la forte éducation dont le bon Dieu m'a gratifié et ma reconnaissance est sans borne pour mes sœurs chéries qui ont si bien su correspondre à leur mission en n'écoutant pas les réclamations de la nature que je leur faisais entendre. J'ai souffert un peu de temps et j'ai recueilli la sagesse et j'ai trouvé pour moi une grande instruction. Aussi à celles qui me l'ont donnée je veux rendre gloire. Ecclésiaste 41, 16.17. Ah, si toutes les mères agissaient de la sorte avec leurs enfants, nous n'aurions pas à déplorer la décadence dont nous sommes aujourd'hui les témoins terrifiés. Il n'y a plus de caractère, plus de mal-vigueur, plus de santé même. Pourquoi? Sinon parce que les volontés et les sens sont amollis par le bien-être. Il n'y a pas moyen de passer à côté. Quand un jardinier veut faire apporter un arbre, il le taille. Quand il veut obtenir une belle fleur, il élimine les boutons qui disperseraient la sève. De même, si l'homme ne veut pas dégénérer, il faut qu'il souffre, il faut qu'il se mortifie. Qu'arrive-t-il quand on ne manque de rien, quand on ne veut pas tailler sa nature dans le vif? Il arrive qu'au lieu de produire de beaux fruits, cette nature viciée engendre l'égoïsme et l'égoïsme est la porte ouverte au culte de l'humanité idolâtrie infâme qui s'apprête à désoler notre société actuelle si nous ne nous hâtons pas de réagir. Le prophète l'avait dit, quand ils ont eu leur pâture ils se sont rassasiés et étant rassasiés leur cœur s'est élevé, et ainsi ils m'ont oublié. Osée 23, 16. Le départ de Pauline pour le Carmel nous privait de l'un des trésors dont je viens de faire l'éloge. À partir du moment où je connus sa détermination, je ne puis dire combien la vie me parut amère. Il me semblait que les jours heureux avaient fini pour jamais. Je me demande vraiment comment on peut s'attacher à la terre quand on voit ce qui s'y passe. Je suis dans l'étonnement lorsque je considère, par exemple, combien les parents jouissent peu de leurs enfants, à part de rares exceptions. Ainsi, l'enfant est-il né qu'aussitôt la mère s'en sépare pour le mettre en nourrice. À peine en a-t-elle joui ensuite quelques années qu'il faut le faire instruire. Une fois son instruction faite, il s'établit. Ah, comme le bon Dieu me montre bien que cette vie n'est qu'un temps de passage, une époque transitoire de notre existence, où nous ne devons tendre qu'à une chose, nous entraider à remonter le courant pour atteindre la rive éternelle. Afin de profiter des derniers moments au milieu de nous de notre petite mère, nous ne la quittions pas. Ce furent de bien tristes vacances que celles qui précédèrent son entrée. En écrivant ce souvenir, mon cœur se serre à la pensée de tout ce que j'ai éprouvé de douloureux à ce moment inoubliable. Et cependant, le croirez-vous, ma mère? Une fois le sacrifice accompli, je me souviens que je regardais avec joie la montre qu'elle m'avait donnée en souvenir. J'avais 13 ans et demi à cette époque, mes deux petites cousines, Jeanne et Marie Guérin, avaient reçu ce cadeau le jour de leur première communion. Moi seule en étais privée et la montre de Pauline fut l'objet d'un sentiment qui me fit de la peine et que je détestais au moment même où je le sentis naître en moi. Il a donc fallu que, toute ma vie, moi qui aime tant le beau, Je vis avec une certaine partie de moi-même dont je dois sans cesse réprouver les pensées et les gestes. Ma petite sœur tomba malade de chagrin. Quant à moi, un hochet de la terre me suffit pour adoucir mes douleurs. Je l'ai toujours dit, Thérèse est l'image de la grâce et moi l'image de la nature, mais Jésus ne dédaigne pas cette seconde image puisqu'il en a revêtu les livrées jusqu'à prendre sur lui l'état même de nos péchés. Ah, je ne m'étonne pas d'avoir pu réussir la phase douloureuse de mon Jésus. On a dit, je le sais, qu'une âme pure avait seul le don de reproduire un si beau visage et moi je sais encore que pour comprendre de telles blessures il a fallu une âme qui emporta les empreintes. En dépit du sentiment que je viens d'exprimer, la perte de ma petite mère me fut très sensible, surtout quand, par expérience, je vis qu'elle était perdue pour nous. Les parloirs du Carmel me devenaient un véritable martyr. Je ne connaissais plus ma Pauline chérie et il me semblait que j'étais devenue pour elle presque une étrangère, non pas qu'elle fût moins maternelle à mon égard, mais elle me semblait ne plus être de la même nature que moi et j'étais intimidée pour lui ouvrir mon âme. Je crois que la cause de cette gêne était le peu de temps qui nous était accordé pour lui parler. Ce n'était cependant que le commencement de mes peines. Je n'essaierai même pas de dire ce que j'ai souffert quand ma petite Thérèse tomba malade. Lorsque je souffre beaucoup, il m'arrive quelque chose de très singulier, c'est parce qu'à force de souffrir je ne sens plus que je souffre. C'est une sorte d'abrutissement, j'arrive comme devant une porte qui est fermée, une limite qui m'arrête et m'empêche de tomber dans des abîmes plus profonds. Je crois que c'est le bon Dieu qui a arrangé cela ainsi, afin que nous ne mourions pas de chagrin. Mais peut-être est-ce chez moi une moins grande capacité de souffrir que chez d'autres, peut-être ma limite est-elle placée moins profond puisque je ne tombe pas malade de peine. Quoi qu'il en soit, je ne demande pas au bon Dieu de la reculer. Ce que je pourrais dire de la guérison miraculeuse de ma petite sœur, dont j'ai été l'heureux témoin, ainsi que de son extase au moment de la vision, n'ajouterai rien aux détails déjà connus, soit dans l'histoire d'une âme ou dans ma préparation à ma déposition au procès. Ce souvenir m'est ineffable, mais vous me permettrez, ma mère, de ne pas y revenir ici et d'agir souvent de la sorte au sujet de récits déjà consignés. Après la guérison de ma petite Thérèse, nous reprîmes notre intimité avec notre vie commune. Les mois de séparation m'avaient paru si longs. Chaque soir, la chambre de la petite Céline lui semblait bien triste sans sa petite compagne, le pensionnat bien amer. Rien qu'en rappelant ce passé, mon cœur est déchiré. Ah, qu'il y a donc de tribulations à souffrir en ce misérable monde avant d'aborder au rivage des cieux. Ces peines si diverses et si sensibles avaient élevé mon âme. Ah, que j'aimais déjà le bon Dieu à cet âge. Il était tout pour moi sans cependant captiver ma nature si vivante au point qu'elle se perdit elle-même. Je ne suis pas encore arrivé à ce bienheureux état, et le bon Dieu toujours si doux, si compatissant pour moi, veut bien supporter la triste compagnie de mes défauts et consentir à ne pas m'abandonner. Tout marchait donc de pair, le bon Dieu et moi-même, mais comme l'un était plus fort que l'autre et que cet autre ne désirait qu'être vaincu, le ménage était très agréable. J'aimais aussi la Sainte Vierge de tout mon cœur, je l'invoquais sans cesse. Je me souviens des pensées profondes que j'avais en songeant à elle. Quand je voyageais, je me mettais toujours de préférence à la portière du wagon, la tête en dehors et je fredonnais mes chants d'amour. Je chantais ce cantique, « Prends mon cœur, le voilà, Vierge, ma bonne mère. C'est pour se reposer qu'il a recours à toi, il est là d'écouter les vains bruits de la terre. » Ces paroles me plongeaient, une seule ne me plaisait pas et je protestais, car ce n'est point par intérêt pour me reposer que je recours à ma mère du ciel, mais uniquement parce que je l'aime. Marc M. Dane d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.